إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours numéro 31 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, avec les explications et les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc on est arrivé aujourd'hui à la page 259 du livre de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah, et on était en train de parler au dernier cours, on a commencé à expliquer les différentes significations du terme ta'wil, parce qu'on est en train de parler du troisième groupe, parmi les groupes des gens qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah, et que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a qualifié comme étant Ahlul Tajhil. Hein? Ahlul Tajhil. Et il a parlé donc, par la suite, il a parlé des Mufawwidah, il a parlé des Mu'awwila, les gens qui font le ta'wil. Il a expliqué qu'il y a trois définitions du terme ta'wil. Donc les trois définitions du terme ta'wil, en résumé, si on veut les dire, parce que le cheikh, non seulement il les énumère une après l'autre, mais il mentionne entre chaque des exemples et des preuves et des explications. Donc juste pour que ce soit plus clair, on va donner donc les trois définitions du terme ta'wil de façon résumée pour qu'on ait une idée plus globale des divisions et de la situation. Puis après on va reprendre avec les paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, et les explications de Cheikh al-Fawzan à ce sujet. Donc, al-Ta'wil, le Cheikh dit qu'il y a trois définitions ou trois façons dont le terme ta'wil est employé. Les frères qui ont, les sœurs qui ont souvent assisté aux cours ou qui ont écouté les cours, savent maintenant que la plupart du temps, j'interprète le terme ta'wil par le fait de déformer le sens des versets ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ta'wil, il est employé dans la langue arabe avec différentes significations. Donc, le terme ta'wil lui-même ne signifie pas, comme moi je le traduis, de déformer le sens des paroles et des attributs. Mais je le traduis de cette façon-là parce que c'est dans ce sens-là que les gens de Bid'a l'utilisent. Et c'est ce sens-là qu'ils considèrent être le bon sens de ce mot. Alors qu'en réalité, c'est pas la vraie signification du terme ta'wil dans la langue arabe chez les salafs. Donc il y a trois définitions. La première définition, c'est la définition des khalafs, des mutakallimin. Ça, c'est la définition que eux emploient lorsqu'ils utilisent le terme ta'wil. C'est dans ce sens-là qu'ils l'emploient, c'est-à-dire صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. Ça, c'est la définition qui est venue plus tard dans le temps, après l'époque des salafs. Ce n'est pas une signification du terme ta'wil qui existait à l'époque des salafs. Cette définition-là n'existait pas à leur époque. Et qu'est-ce que ça signifiait, cette définition-là? C'est-à-dire de détourner le mot de son sens le plus apparent vers un autre sens qui est sous-entendu ou qui est moins apparent en se basant sur une preuve qui est reliée ou rattachée à celle-ci, à cette définition. Ok, donc ça c'est la définition que eux ont ramenée pour le terme ta'wil. Des exemples de ça, ça c'est premièrement c'est une définition qui est innovée, d'accord, il faut comprendre ça, c'est une définition qui est mubtada, c'est-à-dire c'est une bid'a, c'est une innovation cette définition-là, elle n'était pas connue chez les salafs. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, selon cette définition-là, c'est que, par exemple, le terme istawa, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa. D'accord? Donc, la signification de istawa, c'est istawa. En particulier, quand on l'utilise avec ala après, istawa ala, c'est dans le sens de al-ulu wa al-irtifa' wa al-su'ud. Wa hadha, yani, donc c'est al-irtifa', al-ulu, al-irtifa', al-su'ud. Donc ça donne le terme istawa dans la langue arabe signifie tout ce qui a rapport avec le fait d'être élevé, de monter au-dessus de quelque chose, de s'élever. Et donc, ça c'est la signification dans la langue arabe. Et eux, ils le déforment, ils changent cette signification-là. Et au lieu de dire istawa signifie de s'élever ou de monter au-dessus, il l'interprète par le sens de istawla. Et la raison pour laquelle, ou la preuve par laquelle, ou pour laquelle il déforme le sens apparent de ce mot, c'est ce qu'ils prétendent être la raison ou la logique. Donc, ils vont détourner le sens du terme istawa. Et ils vont l'interpréter par al-istila. Donc ils vont dire istawla, qui signifie de conquérir, hein, de prendre le pouvoir au-dessus ou par-dessus quelque chose. Donc si par exemple on dit en arabe istawla fulan ala fulan. Si par exemple il y avait un roi en Irak, puis qu'il y avait un autre roi qui est venu, puis qui a pris sa place, il l'a détrôné et a pris sa place, on dit istawla Fulan ala Malik al-Iraq. Hein? Donc on va dire, un tel a conquis ou a pris le trône ou a détrôné un tel. Donc, eux, les gens de Bida, hein, les Asha'ira et les Maturidiyya et les autres parmi les gens de Ta'wil, ils déforment le sens de Istawa par ils disent que ça veut dire Istawla, c'est-à-dire de conquérir. Et donc, bien entendu, on sait très bien qu'il n'y a pas de doute que c'est une fausse interprétation. Et que cette interprétation-là, elle est rejetée pour plusieurs raisons. Déjà, en premier, parce que personne n'était sur le trône d'Allah avant lui. Et il n'a pas eu à conquérir son trône de quelqu'un d'autre. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de rival, il n'a pas d'opposant. Hein? Il n'a pas de rival. Il n'a pas d'opposant, il n'a pas d'écho. Il n'a pas d'écho. Laysa kamithlihi shay. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui est comparable avec lui. Il n'y a rien qui lui est égal. Donc ça, c'est très important. Na'am. Donc ça c'est la fausse définition qu'ils ont ramenée pour le terme ta'wil. D'accord? Ça c'est la première définition. Ensuite, il y a les définitions qui sont les définitions qu'on retrouve chez les salafs, dans les paroles des salafs. Et ces deux définitions, ces deux signification pour le terme ta'wil. La première, si on veut les mettre en ordre, la deuxième définition, c'est la deuxième et la troisième, c'est les définitions qui sont connues chez les salafs. D'accord? Donc la signification du terme ta'wil chez les salafs, c'est la définition numéro 2, c'est at-ta'wil bima'na at-tafsir. C'est-à-dire le ta'wil dans le sens de tafsir, dans le sens d'interprétation. C'est-à-dire de donner la signification d'un mot et de l'interpréter. Peu importe que ce soit une interprétation qui est correcte ou incorrecte. On va donner les détails de ça tout à l'heure. Et la troisième définition, qui est aussi une définition qui est mentionnée chez les salafs, c'est al-haqiqa. Donc pour eux, al-ta'wil, ça veut dire al-haqiqa. Wa huwa al-haqiqa allati ya'ulu ilayha al-shay', allati ya'ulu ilayha al-kalam, fa ta'wil al-khabar huwa 'aynu al-mukhbar anhu. Donc ça c'est la troisième définition, et c'est ça c'est la définition qu'on retrouve dans le sens de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Lorsque le terme ta'wil est employé dans le Coran, c'est dans ce sens-là, dans ce troisième sens, c'est-à-dire la réalité d'une chose, c'est-à-dire la réalité et la réalisation ou la concrétisation d'une chose, la chose telle qu'elle est dans sa réalité et telle qu'elle va être lorsqu'elle va se concrétiser devant nous, on va voir sa réalité telle qu'elle est. C'est ça le ta'wil. Ta'wil dans ce sens-là. On va donner des exemples dans qu'est-ce qui va suivre, inshallah, à ce sujet-là. Et tout ce que j'ai donné maintenant comme définition, les trois définitions, elles vont devenir plus claires. Donc, comme on a dit, la première définition, qui est la définition innovée, c'est-à-dire de prendre un terme et de le faire sortir de son sens le plus apparent vers un autre sens qui pourrait être sous-entendu ou qui n'est pas directement apparent, en se basant sur une preuve qui est reliée à ce mot-là ou à cette définition-là. Et comme on l'a expliqué en détail à ce sujet-là, on a donné des exemples. On a dit ça, c'est une définition qui est innovée. La deuxième définition, on la retrouve chez les salafs, c'est dans le sens de tafsir. Ta'wil dans le sens de tafsir. Et la troisième définition, c'est ta'wil dans le sens de haqiqatu shay. Haqiqatu ma ya'ulu ilayha shay. Haqiqatu allati ya'ulu ilayha al-kalam. Donc, c'est la réalité qui se concrétise et qui se réalise, vers laquelle la chose dont on parle se produit à la fin, comment elle est dans sa réalité. C'est ça la troisième définition, et cette définition aussi, c'est celle qu'on retrouve chez les salafs. Donc, on va revenir maintenant au texte de Fatwa al-Hamawiyya et les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'on a lu à la fin, au dernier cours? Cheikh al-Islam, il expliquait justement la définition de ces gens de kalam lorsqu'il disait il dit فإن التأويل يراد به ثلاث معان فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. On a expliqué que ça c'était leur définition à eux. Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit فَلَا يَكُونُ مَعْنَ اللَّفْظَ الْمُوَافِقِ لِدِلَالَةِ ظَاهِرِهِ تَأْوِيلًا عَلَى اصْطِلَاحِ هَؤُلَاء. أي لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا. Donc, le Cheikh explique, Cheikh al-Islam, il explique que, donc, selon cette définition-là, pour eux, c'est-à-dire pour les gens de Kalam, les gens qui ont inventé cette définition, si tu donnes la définition d'un mot arabe en expliquant sa signification réelle dans la langue arabe, pour eux, ça, c'est pas un ta'wil. Pour eux, c'est pas un ta'wil de faire ça. C'est-à-dire, si tu prends un dictionnaire et tu regardes la signification d'un mot en arabe, selon qu'est-ce que les savants de la langue ont donné comme définition pour ce mot-là, eux, ils ne considèrent pas ça comme étant ta'wil ou comme faisant partie de ce que signifie ta'wil. Alors qu'en réalité, ça rentre dans la définition du ta'wil selon la définition des salafs. Puisque le ta'wil, pour eux, pour les salafs, c'était le tafsir, l'explication de la signification. D'accord ? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « La yakulu tafsiru lafz bima'nahu al-muwafiqu li lughati al-arabiyya ta'wilan. » Donc, pour eux, de donner la définition d'un mot en arabe hein, en disant ce qu'il signifie dans la langue arabe, pour eux, ça, c'est pas un ta'wil. Hein, puisque pour eux, c'est de faire sortir le mot de son sens apparent. Donc, c'est-à-dire, pour eux, c'est de, justement de ne pas prendre sa réelle définition, mais d'en inventer une nouvelle, de déformer son sens réel vers un sens qui est pas connu, yani, qui est pas connu dans la langue arabe. Donc, il dit « فَيَكُونُ مَعْنَ اللَّفْظ الْمُوَافِقُ لِدِلَالَةِ ظَهِرِهِ تَأْوِيلًا عَلَى اصْطِلَاحِ هَؤُلَاء فَلَا يَكُونُ نعم. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل بذلك وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك. Donc eux, ces gens de Kalam, les gens qui sont venus donc avec ces innovations, ils ont pensé, ils ont cru que c'est dans ce sens-là que yani Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme ta'wil dans le Coran, dans le verset. Le verset 7, surat Al-Imran, verset qu'on a mentionné au dernier cours. Hein? Et bien entendu, ce n'est pas dans ce sens-là du tout, puis on va le mentionner, on va donner des exemples de ça aussi. وَأَنَّ لِلْنُصُوصِ تَأْوِيلًا مُخَالِفٌ لِمَدْلُولِهَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ. Donc ils ont pensé que yani, le ta'wil, que les textes hein, du Coran et de la Sunna, et en particulier les textes qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, ont une interprétation qui est en contradiction, qui contredit ce que yani, indique leur signification dans la langue arabe, et que cette signification-là, elle n'est connue que par Allah. Hein? أو يعلمه المتأولون. Ou bien, les gens qui font le ta'wil, qui déforment le sens des versets et des attributs, eux aussi peuvent le connaître. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعينونه هم. Donc eux ils ont cru que la signification du terme ta'wil qui est mentionné dans la parole d'Allah c'est yani, cette définition inventée chez ces gens-là, qui sont venus après l'époque des salafs, qui signifie pour eux de faire sortir le mot de son sens apparent vers une autre signification qu'eux-mêmes déterminent, yani de façon arbitraire, hein, en prétendant que c'est la logique qui impose cette définition-là ou cette interprétation-là. نعم. لأن المعطلة والمفوضة كلهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها والمفوضة قالوا ليست على ظاهرها فنفوض معناه. Donc c'est l'interprétation, les deux sens que les gens de Kalam ont donné à la signification du terme ta'wil ici, c'est dans le sens de ce que Cheikh l'Islam a mentionné à leur sujet ici. Ils ont cru que soit qu'il faut faire le ta'wil, donc ils ont dit le terme ta'wil c'est de déformer le sens du mot et donner au mot une autre définition que nous on a déterminée, ou bien et de dire en même temps que les textes ont une interprétation ou une signification qui est différente de ce qui est son sens apparent, qui est différente de son sens apparent, que seul Allah connaît. Et ça c'est la parole de qui? Ça c'est la parole des Mufawwida. Parce qu'ils disent que la parole d'Allah elle n'est pas dans son sens apparent. C'est-à-dire la parole au sujet des noms et des attributs. Les noms et les attributs n'ont pas leur signification tel qu'il est connu dans la langue arabe et dans leur sens apparent. C'est une signification qui est, selon eux, une signification que seul Allah connaît. Hein, donc, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Hein, c'est juste Allah qui connaît la signification de ces sens-là. Ou bien, ils prétendent que les muta'awilun, c'est-à-dire les gens qui font le ta'wil, hein, les gens qui font le ta'wil, eux, peuvent comprendre et peuvent connaître la signification, mais ce n'est pas la signification qui est apparente pour eux. C'est une autre signification que eux ont déterminée par leur logique. Comme lorsqu'ils disent que le terme istawa, ça ne veut pas dire istawa, ça ne veut pas dire s'élever, ça veut dire conquérir, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ou bien que la main, ça ne veut pas dire la main, mais ça veut dire la force, ou ça veut dire le pouvoir. Ça, c'est des exemples. Maintenant, on va lire ensemble le verset 7 dans Surat Al-Imran, juste pour nous rafraîchir la mémoire, et pour revenir donc sur, dans le contexte du verset, pour comprendre de quoi on parle exactement. Le verset 7 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le verset en question, qui est un verset qui est souvent mentionné par les ulama, parce que c'est un verset très très très important pour comprendre les fondements de la religion, les fondements de la aqida, hein, et on va comprendre pourquoi dans les instants qui, dans les explications qui vont venir. Donc le verset signifie, il y en est dans, qu'est-ce qu'on a lu, ça signifie dans le sens de cette de ce verset-là dans la langue française, ça signifie c'est lui qui a fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre, hein, le Coran. Il s'y trouve des versets sans équivoque. C'est-à-dire des versets sans équivoque, ça veut dire des versets qui sont des muhkamat. En arabe, c'est le terme muhkamat qui est employé. Ça veut dire sans équivoque. C'est-à-dire que quand tu lis ce verset-là, tu le comprends directement, clairement. C'est des versets clairs qui ne peuvent être compris que d'une seule façon. Pas de 10 façons de les comprendre. Ils sont clairs par eux-mêmes. Hunna Ummul Kitab. C'est-à-dire, ces versets-là sont la base du livre. C'est le fondement du livre. C'est la base du livre. Et c'est sur cette base-là qu'on comprend le reste. Et il y a d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. C'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe les mutashabihat. Les versets qui prêtent à diverses interprétations. Okay. Donc ensuite le verset continue et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Donc les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, c'est-à-dire ils ont un penchant vers la déviation, vers l'égarement, vers la fitna, c'est des gens de bid'a, hein, des gens de bid'a. Ils mettent l'accent sur les versets à équivoque, c'est-à-dire les versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Eux, ils se concentrent sur ces versets-là, les mutashabihat. Ils se concentrent sur ces versets-là pour chercher la dissension, pour chercher à faire de la fitna, et pour chercher, en essayant de faire de la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation. Et ici, ils l'ont traduit par interprétation. Alors que la définition ou la traduction qui aurait été peut-être plus exacte ici, ça aurait été en essayant de trouver leur réalité. Hein, de trouver leur réalité. Alors que nul n'en connaît la réalité, à part Allah. C'est ça la signification, une des significations qu'on peut donner. Et c'est pour ça que le Coran, on dit qu'on ne peut pas le traduire. Et la raison pourquoi on ne peut pas le traduire, c'est parce que justement, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a plusieurs sens. Hein, c'est-à-dire, il peut être interprété différemment selon la façon dont on en fait la lecture. Et c'est pour cette raison-là que les salafs, hein, eux, ont compris la signification du Coran, parce qu'ils ont compris toutes ces différentes lectures. Ils l'ont interprété et expliqué et clarifié selon les explications du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et selon ses actions et ses exemples. Donc ici la traduction qui est faite dans la traduction qui a été publiée dans les imprimeries du roi Fahd en Arabie Saoudite qui est la traduction la plus répandu, on voit la traduction ici, c'est de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » D'accord? Donc, il faut savoir que déjà à l'époque des salafs, il y avait différentes façons de lire ce verset. À l'époque des salafs, il y a différentes façons de lire ce verset. Certains parmi les salafs, quand ils lisaient ce verset, ils s'arrêtaient à un endroit. Et d'autres s'arrêtaient à un autre endroit. Hein? Nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Certains s'arrêtent à Allah ici. Tandis que certains lisent le verset et ils continuent. Hein? Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. On voit que le traducteur ici, la personne qui a fait la traduction, il a pris la première lecture. Hein? C'est-à-dire de s'arrêter à Allah. Puisque après il a mis un point, et il a mis par la suite « Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent. » Donc ça, c'est une des deux lectures, une des deux interprétations, et elle est correcte. Les deux interprétations sont bonnes, pas de problème. C'est juste que selon l'endroit où on s'arrête dans le verset, la signification va être différente. Hein? Et bien entendu, dans les deux cas, l'interprétation est différente que celle des gens de Kalam et des gens de Bidar. Hein? Et c'est bien de comprendre ce verset-là et de comprendre sa signification dans les deux cas, dans les deux, selon l'endroit où on s'arrête. Peu importe, dans les deux cas, il faut savoir ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'on va expliquer maintenant dans ce qui va suivre, Inch'Allah. C'est pour ça que j'ai voulu relire le verset avec vous en même temps. Naam, donc on continue avec la parole. Qu'est-ce que Cheikh l'Islam dit ensuite? Il explique un petit point ici qui est très important. Peut-être que pas tout le monde va être capable de nécessairement saisir qu'est-ce qui est expliqué ici, mais peut-être qu'en y revenant plusieurs fois, puis en écoutant le cours au complet, bon, ces petits détails-là vont se clarifier au fur et à mesure, Inch'Allah, et avec le temps aussi, parce que la science, hein, et la compréhension, ça ne vient pas d'un seul coup. On ne peut pas tout le temps comprendre tout du premier coup. Des fois, on peut lire quelque chose à un moment donné, puis pas le comprendre, puis y revenir des années après, une année après ou deux, ou bien quelques temps après, et on le lit et on le comprend plus facilement. Et on arrive à saisir la signification. Hein. Donc, souvent, par exemple, quand on lit un livre, ou quand on suit un cours avec les ulama, soit dans les audios ou soit en personne, et qu'on entend une explication d'un savant qui nous dit quelque chose, par exemple, qui explique quelque chose à propos d'une parole d'un savant ou d'un verset ou d'un hadith ou d'une parole des salafs, et qu'on n'a pas bien compris qu'est-ce qui est expliqué, c'est toujours bon de l'indiquer. Hein, si on a le livre en question, puis qu'à l'endroit où le cheikh explique quelque chose, on a de la difficulté à le comprendre, on met un point d'interrogation, ou on indique, on écrit la question, la chose en question qui nous pose un problème dans la parole ou dans l'explication, et comme ça, par la suite, on a la possibilité de poser la question Peut-être qu'on ne peut pas la poser tout de suite, donc on pourra la poser plus tard. Ou bien, au moins ça nous aide à nous en rappeler et à nous en souvenir. Parce que des fois, on a un problème à un moment donné, lorsqu'on l'entend ou lorsqu'on lit quelque chose, mais ça nous échappe par la suite, on oublie. Et donc, on n'y reviendra plus par la suite, ça, sauf si on y pense. Mais si on l'a écrit, eh bien, chaque fois qu'on va lire, cette question va nous revenir et donc on va dire « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas bien compris cette chose-là. » Hein? Et donc, ça c'est des exemples, il y a des fois où j'ai lu dans les paroles de ulama des choses que je ne comprenais pas ou qui n'étaient pas claires, et quand je suis revenu à ces livres-là ou par exemple ces explications-là plus tard, j'ai relu la même explication ou la même parole et là, elle était claire. Hein? Elle était devenue claire. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, par exemple, j'ai entendu d'autres détails, d'autres explications, d'autres clarifications, ou bien même je l'ai relu alors que la première fois, je ne l'avais pas lu comme il faut, ou bien je ne l'avais pas lu clairement. Et quand je l'ai relu, tout d'un coup, c'était beaucoup plus clair et donc j'arrivais à comprendre plus facilement qu'est-ce qui était écrit. Hein? Donc, cette parole-là, ici, qu'on va lire, c'est un petit détail qui est très intéressant. Puis, vous allez peut-être pas le comprendre du premier coup, mais comme je dis plus tard, Inch'Allah, vous allez voir, c'est très intéressant et très important à comprendre. Il dit, Cheikh l'Islam ici, « ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا التناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة وغيرهم. Donc ici le Cheikh l'Islam il dit il y a beaucoup de gens parmi ceux-là, c'est-à-dire parmi les gens de Kalam, parmi les Asha'ira et les Maturidiyya, hein. Ils disent on doit prendre les versets dans leur sens apparent. Et ils disent ensuite فَظَاهِرُهَا مُرَاد. Ils disent le sens apparent de ces attributs est voulu. D'accord? Donc, ça, en principe, c'est correct. Parce que c'est ça que les salafs disaient. Qu'on doit prendre les termes et les attributs et les versets qui parlent des attributs dans leur sens apparent. Et que leur sens apparent est voulu. Hein? Puis ensuite, ils disent مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض. Donc, Cheikh l'Islam dit mais ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent ensuite, mais c'est il y a une interprétation à ces attributs dans cette signification que seul Allah connaît. Et Cheikh l'Islam dit ça, c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire on prend les versets ou les attributs dans leur sens apparent et que leur sens apparent est voulu, puis dire par la suite qu'elles ont une interprétation que seul Allah connaît, hein, ou que leur signification c'est seulement Allah qui la connaît, parce que c'est une contradiction. Et il dit cette contradiction-là, il y a beaucoup d'entre ceux qui se prétendent suivre la sunna et parmi les gens qui prétendent suivre les quatre madahib, les quatre imams des madahib et d'autres également qui sont tombés dans cette contradiction-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, lorsqu'il dit par exemple que ces gens, Cheikh l'Islam dit, on doit prendre ces attributs dans leur sens apparent, Cheikh Al-Fawzan, il dit, on les tujra ala zahiriha bima'na annaha tuqra wa tumarru kama ja'at lakin la tufassar. Donc ils disent, on les prend dans leur sens apparent, dans le sens que on les lit et on les mentionne tels qu'ils sont mentionnés dans le texte, mais on ne les interprète pas. Ça c'est ce qu'ils disent. Ensuite, ils disent ensuite, فَظَاهِرُهَا مُرَادٌ أي يَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّ هَذَا أَنَّ ظَاهِرَهَا مُرَادٌ عِنْدَهُمْ وهو ما تدل عليه من أسماء الله وصفاته. Donc ça, il dit, le cheikh, il dit ça implique de, selon leurs paroles, que le sens apparent est voulu, le sens apparent de ces attributs-là est voulu pour eux. Hein? Et c'est ça ce qui est indiqué par ce qui est mentionné par comme nom et comme attribut d'Allah. Puis ensuite, il dit, à partir de cette la suite, il dit, mais ensuite, ils disent que elles ont une interprétation, ces attributs ont une autre interprétation dans cette signification-là que seul Allah connaît. Et ça, c'est une contradiction que beaucoup d'entre ceux qui prétendent appartenir à la sunna et suivent la sunna, parmi les gens qui suivent les quatre madhahib, les quatre imams ou autres, ils sont tombés dedans. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, ثم يتناقضون فيقولون ليست على ظاهرها ولها معنى لا يعلمه إلا الله وهؤلاء قد ينتسب بعضهم إلى المذاهب الأربعة إلى مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع ويخالفونهم في الأصول. Il dit le cheikh, puis ces gens-là, ils se contredisent par la suite. Ils disent qu'elles ne sont pas dans leur sens apparent, c'est-à-dire les attributs, et qu'elles ont une signification que seul Allah connaît. Et parmi ceux-là, il est possible que certains d'entre eux s'affilient ou prétendent suivre ou disent suivre les imams des quatre madhahib dans les règles du fiqh, tandis qu'ils les contredisent dans les fondements de la aqida. Et ça, c'est un point que Cheikh Al-Fawzan mentionne ici qui est très très important, parce que c'est souvent le cas. Tu vois, par exemple, des gens qui ils critiquent les salafis et la salafia, en particulier les ahbash, ou bien les gens qui font partie des asha'ira, des gens de kalam. Ils essaient toujours de se coller aux madahib, aux écoles de jurisprudence, comme on dit, même si j'aime pas tellement cette traduction-là, mais ils essaient toujours de se coller aux écoles de fiqh ou aux différents madahib de fiqh. Et tu vois ces gens-là, comme par exemple, ils vont dire, bon, moi je suis Hanafi, ou moi je suis Shafi'i, ou moi je suis Maliki, ou moi je suis Hanbali. Donc ils s'affilient aux écoles de fiqh. Et ils essaient d'utiliser le nom de ces imams pour se donner une crédibilité, pour se donner une valeur qu'ils n'ont pas réellement. Puisqu'ils suivent les imams, ou ils prétendent suivre les imams dans le fiqh, c'est-à-dire comment on fait la purification, comment on fait le jeûne, comment on fait la salat, comment on fait le jeûne, comment on fait la zakat, comment on fait le hajj, et le mariage et le divorce, et toutes les autres chapitres du fiqh. Donc ils disent, nous on est maliki là-dedans, on est shafi'i, on est hanbali, on est hanafi, et ainsi de suite. Toutefois, dans la aqida, ils disent, on est ash'ari, ou on est maturidi, ou on est mu'tazili, ou on est ci, on est ça. Donc ça, c'est une contradiction, puisque on sait très bien que l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, aucun d'entre eux n'était ash'ari, puisque ils sont tous nés avant l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari est venu après. Et non seulement ça, en plus, yani subhanallah, les quatre imams faisaient partie des salafs, et ils affirmaient les attributs d'Allah et ils réfutaient les jahmiya et les mu'tazila qui niaient les noms et les attributs d'Allah. Donc comment ces gens-là peuvent prétendre être maliki ou shafi'i ou hanafi ou hanbali alors qu'ils contredisent les imams dans la aqida? La aqida, c'est la base de la religion, c'est la base, c'est le fondement de la religion. Donc dans ce cas-là, si tu prétends être maliki et que tu n'es pas salafi dans l'aqida, donc tu n'es pas vraiment maliki. Et si tu prétends être shafi'i, puis que tu n'es pas salafi dans l'aqida, mais tu es ash'ari ou maturidi, dans ce cas-là, tu n'es pas vraiment shafi'i, même si tu te dis shafi'i. Donc tu prétends être des gens qui suivent ces écoles ou ces imams. Mais la réalité, non. Puisque tu les contredis dans l'aqida et dans leur manhaj. Si tu veux les suivre, ces imams-là, suis ce qu'ils suivaient, c'est-à-dire suis leur manhaj, leur méthodologie. Et cette méthodologie n'est rien d'autre et nul autre que la méthodologie des salaf al-salih. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, tu les vois, tu vois cette tendance-là maintenant chez certains jeunes, qui critiquent la salafia, dit ah, moi j'étudie le madhab. Là tu les vois, ils donnent yani, ils essaient d'utiliser cette attitude là pour essayer de se distinguer, de se détacher des salafis en disant nous on va mémoriser un matin dans un madhab, puis on va suivre le madhab et on va évoluer dans ce madhab. Hein? Mais la manière qu'ils le font, parce que il n'y a rien de mal à faire ça, mais la manière dont ils le font, comme si pour le faire, pour dire moi je me distingue des salafis, ça c'est pas correct. Puisque yani, si tu veux suivre un madhab et tu veux étudier le fiqh selon un madhab, comme les ulama l'ont expliqué, yani, tout en respectant le aqid, la aqida et le manhaj de ces imams, c'est-à-dire tu suis la aqida des salafs et le manhaj des salafs, et en même temps tu vas étudier ce madhab hein, dans le fiqh, mais tu ne vas pas le suivre avec fanatisme, hein, tu ne vas pas le suivre aveuglément, tu vas le suivre avec les preuves, hein, avec les preuves du Coran et de la Sunna, et revenir aux preuves, c'est-à-dire que tu ne vas pas suivre l'imam s'il a dit quelque chose par rapport à un aspect de l'adoration ou de la religion. L'imam a dit une chose, toi tu vas dire, ah, puisque l'imam Shafi a dit ça, donc moi je vais le suivre. L'imam Malik a dit ça, donc je vais le faire comme ça. Alors que je te présente le dalil, je te présente la preuve dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim et dans les hadiths autres qui sont authentiques, je te ramène le dalil et toi tu dis, ah non, moi je suis maliki, je fais pas ça comme ça. Ajib. Yani, je te donne dalil, la preuve, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui dit, il faut faire telle chose de telle façon, et toi tu me ramènes la parole d'un être humain autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu me dis, non, moi je mets la parole de cet être humain-là au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pas suivre les imams. Ça c'est pas suivre les madahib. Parce que les imams des madahib ont dit, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Donc si tu contredis cet exemple des imams, si tu ne suis pas le hadith authentique, tu n'es pas du madhab de ces imams. Hein, réellement. C'est l'imam Malik qui disait kullun yukhti wa yusib, hein, ou kullun yukhadu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr. L'imam Malik disait chacun, on peut prendre sa parole ou on peut la rejeter, excepté celui qui est dans cette tombe, hein, et il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas prendre ou laisser. Tu es obligé de prendre, parce que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que la parole des autres imams et des ulama, hein, tu peux prendre ou rejeter. Tu peux le prendre si c'est en accord avec la sunna et le Coran, et tu le rejettes si c'est en contradiction avec le Coran et la sunna. Hein? Mais ça, c'est la méthodologie des salafs dans ces questions-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Et de le renvoyer à Allah, c'est de le renvoyer au livre d'Allah. Et de le renvoyer au messager, ça signifie dans sa vie de retourner au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, ça signifie de le ramener à la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point important qu'il fallait clarifier. Maintenant, on arrive à la suite. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, « وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّ التَّأْوِيلِ هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره او لم يوافقه. اي نعم. Donc c'est ça l'explication ici. La deuxième définition du mot ta'wil, et ça c'est une des deux définitions des salafs, c'est yani, ta'wil c'est dans le sens de tafsir, d'expliquer une parole, d'expliquer sa signification. سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. Peu importe que cette explication ou interprétation soit en accord avec son sens apparent ou qu'elle ne soit pas en accord avec son sens apparent. Et Cheikh l'Islam dit ensuite, وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et ça c'est la signification ou la façon dont la majorité des mufassirines, des savants de tafsir, quand ils font le tafsir du Coran, ils expliquent ou ils utilisent ou ils emploient le terme ta'wil dans ce sens-là, dans cette terminologie-là, et d'autres également. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره. C'est-à-dire c'est cette utilisation-là du terme ta'wil que faisaient les anciens savants de tafsir lorsqu'ils écrivaient des tafsirs du Coran, ils employaient le terme ta'wil. OK? C'est-à-dire dans le sens de tafsir, explication. Donc, Cheikh Ibn Baz, il parle à ce sujet-là, il dit tafsir al-kalam bima dalla alayhi al-siyaq wa dalla alayhi al-ma'na wa dalla alayhi al-ma'na dallat alayhi al-adilla سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافقه ظاهره من بعض الوجوه لكنه دلت عليه الأدلة فهذا هو تفسير الكلام مثل ما قال ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا وكذا وهو تفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام ou min majmou' al-adilla. Donc Cheikh Ibn Baz il explique ça un petit peu plus en détail. Il dit Cheikh Ibn Baz dans son sharh de al-Fatwa al-Hamawiyya qui s'intitule al-Kawakib ad-Durriyya min ta'liqat samahat al-Cheikh Ibn Baz ala al-Fatwa al-Hamawiyya. Il dit dans l'explication de la deuxième définition il dit c'est d'interpréter la parole selon ce qui est indiqué par le contexte du verset et ce qui est indiqué, ce qui indique sa signification et qui est prouvé par des preuves, c'est-à-dire qui est prouvé par des preuves du Coran, d'autres preuves du Coran et de la Sunna. Donc ça, on l'appelle tafsir, interprétation. Peu importe que cette parole soit, cette interprétation soit en accord avec son sens apparent, ou qu'elle ne soit pas en accord avec son sens apparent de certains points de vue, mais qui est supporté par la preuve. Alors ça, on l'appelle tafsir al-kalam, c'est-à-dire on l'appelle l'interprétation. Hein? Comme par exemple le verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi de zulm, d'injustice. Donc ici les sahaba avaient compris le sens de zulm, de l'injustice, ils l'avaient compris dans le sens du péché que quelqu'un commet qui est une injustice contre soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'était pas ça la signification. Que c'était la parole de Luqman lorsqu'il a dit à son fils Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est la parole que Luqman a dit à son fils. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils lorsqu'il a dit « Oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, le shirk est certes la plus grande des injustices. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a interprété le terme « zulm » par le shirk. Et ça, c'est pas le sens apparent de « zulm », mais c'est supporté par la preuve. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils interprètent souvent le Coran par le Coran lui-même. Parce que souvent, qu'est-ce que Allah dit dans un verset, il l'explique dans un autre verset. S'il le dit de façon équivoque ou d'une autre façon dans un verset, il l'explique dans un autre verset de façon explicite. Donc ça c'est un exemple. Ou bien de faire le tafsir du Coran par la sunna. Et ça c'est un exemple, le hadith que je viens de mentionner. Ça en est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ » et préparez pour eux ce que vous pouvez comme force. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي » أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي » Il a dit « La force, c'est yani, qu'est-ce qu'on le fait de lancer, de tirer. Hein, donc les choses que tu lances, que tu tires, soit les flèches ou les armes, il y en a des choses qui sont des projectiles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples hein, de tafsir. Ça, c'est dans le sens de... C'est comme ça que les salafs employaient le terme tafsir. Et Cheikh Ibn Baz, il donne un exemple, il dit, c'est comme la parole d'Ibn Jarir dans son tafsir, lorsqu'il disait, la parole dans le ta'wil de la... La position dans l'interprétation de la parole d'Allah est telle et telle. C'est-à-dire d'interpréter la parole selon ce que signifie le contexte de la parole elle-même ou bien de l'ensemble des preuves au sujet de cette parole-là. Donc ça, c'est la deuxième définition du terme « ta'wil ». Hein? Donc la première définition qu'on a donnée, c'est celle des « mutakallimin ». Et ça, on a dit que c'est pas qu'est-ce que Allah a voulu dire par le terme ta'wil dans la révélation. Ni dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est eux-mêmes qui l'ont inventé. La deuxième définition, qui est le fait d'interpréter, hein, le tafsir, l'explication, ça c'est, on a dit, c'est de supporter notre interprétation par des preuves, hein, des choses claires. Donc ça, c'est l'utilisation des salafs. Une des utilisations que les salafs faisaient du terme ta'wil, hein, c'est le tafsir. Et si vous voulez, retournez au tafsir de l'imam al-Tabari. Regardez, à chaque verset, vous allez voir, dans chaque verset, après le verset, il dit, et le ta'wil de cette parole d'Allah est la suivante. Et là, il mentionne les différents salafs, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce verset-là. Pour eux, le ta'wil, c'était ça. Maintenant, le troisième définition. Ou bien sinon, on va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan aussi. Naam. Donc, quand il dit « وَهَذَا التَّأْوِلْ يَعْلَمُهُ الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ » Oui, on va continuer. Donc, ça, c'est la définition qui est mentionnée chez tous les savants de tafsir. Il dit « وَهَذَا التَّأْوِلْ يَعْلَمُهُ الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ » C'est-à-dire, ce ta'wil-là, cette définition, ou cette définition, le ta'wil selon cette définition, les rasikhoun fil ilm le connaissent. C'est-à-dire, dans le verset 7, hein, c'est ça qu'on est en train de parler au début, quand je vous ai mentionné le verset 7 dans Surat Al-Imran. Donc il dit, ce ta'wil, qui est la deuxième définition du ta'wil, les rasikhoun fil ilm le connaissent. C'est-à-dire, c'est qui les rasikhoun fil ilm? C'est les ulama, c'est-à-dire les hommes de science. Ceux qui sont fermement enracinés dans la science, ils connaissent ce ta'wil-là. Ils connaissent ce ta'wil-là. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « الذي هو تفسير المعنى يعلمه الراسخون في العلم فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم أي الثابتون في العلم لأن الرسوخ هو الثبوت وهم الذين ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق وخلاف المتعالم فهذا ليس راسخا في العلم وإنما يتزعزع لأنه مبتدئ في طلب العلم أو يدعي أنه عالم وهو ليس من الراسخين في العلم. نعم. Donc le cheikh il dit, donc cette définition du tafsir, hein, quand on parle du tafsir, c'est-à-dire l'explication de la signification, ça les gens qui sont fermement enracinés dans la science, ils connaissent ce ta'wil-là. Et ça, c'est selon le waqf, c'est-à-dire l'arrêt dans le verset, lorsqu'on fait la récitation, on s'arrête à وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, c'est-à-dire ceux qui sont fermes dans leur science. الرسوخ, الرسخون, ça vient de الرسوخ, et الرسوخ, ça veut dire الثبوت, c'est-à-dire la fermeté, hein, d'être fermement placé dans la science, enraciné dans la science, hein, ancré dans la science. Donc, ceux dont les pieds sont fermement ancrés dans la science et enracinés, parce que leur science, elle est profonde, elle est ferme sur la vérité. Et tu les vois, ils sont les hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science, ils ne se laissent pas secouer par quoi que ce soit, parce que leur science, elle est ferme, hein, elle est bien, bien établie, bien enracinée. Contrairement au muta'alim, c'est-à-dire la personne qui est qui prétend à la science, une personne qui prétend à la science ou qui est débutante dans la science et dans la quête de la science, elle n'est pas rasikhan fil ilm, elle n'a pas une fermeté dans la science, hein, parce qu'elle est débutante ou parce qu'elle prétend uniquement avoir la science alors qu'elle n'a pas de science. Et ça, tu le sens, hein, tu le sens dans cette personne qu'elle ne fait pas partie des rasikhoun, parce que sa science, elle est faible, elle tremble, elle est secouée, elle bouge, elle n'est pas ferme, fermement enracinée. Aïnaam. Donc, ça c'est ceux qui s'arrêtent à cette lecture-là. Donc, on va donner l'exemple dans le verset. Eux, quand ils récitent le verset 7 dans Surat Al-Imran, ils disent وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Donc ils vont s'arrêter à وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. S'arrête à الْعِلْمِ. Tandis que les autres, l'autre lecture, c'est de s'arrêter à Allah. Et dans les deux arrêts sont corrects, et les deux arrêts ont une signification différente qui est correcte aussi. Mais il faut comprendre la différence entre l'interprétation correcte des salafs et l'interprétation des gens de bid'ah qui déforment le sens de ces deux arrêts-là. Et on va donner le sens des deux arrêts après, de façon simplifiée, inshallah. Ok, donc on a expliqué que ça c'est le ta'wil que connaissent les rasikhouna fil ilm. Wa huwa muwafiqun li waqf man waqafa min as-salaf ala qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhouna fil ilm. C'est-à-dire que ça c'est en accord avec l'arrêt de ceux parmi les salafs qui se sont arrêtés à la parole d'Allah wa rasikhouna fil ilm. C'est-à-dire, nul ne connaît sa réalité excepté Allah. Ça, c'est quand ils s'arrêtent à Allah, ils traduisent ici, ou ils interprètent le terme ta'wil par interprétation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans la traduction qui est présente actuellement, dans la traduction de l'imprimerie du roi Fahd à Médine, celle qui est le plus répandu, la traduction, c'est interprétation. C'est pas, donc, ça ne devrait pas être traduit par interprétation. Ça devrait être traduit par la réalité. Nul n'en connaît la réalité excepté Allah, puisqu'il s'arrête à Allah. Donc, c'est dans le sens de la troisième définition qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc ici, ça devait être, l'arrêt ne devait pas être à Allah, mais plutôt et à ceux qui sont bien enracinés dans la science. Pour que cette traduction-là soit correcte, il aurait fallu que l'arrêt du verset soit à ceux qui sont bien enracinés dans la science. Donc le verset, je vais le lire tel qu'il devrait être et tel que là où l'arrêt devrait être. Ok, c'est de l'orthographe. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Point. C'est comme ça que ça devrait être. Et nul, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Point. Ils disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Tandis que l'autre lecture, c'est la troisième définition, on y arrive. Le cheikh, il dit, « هذا الوقف مأثور عن السلف أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم فتكون الواو واو العطف على لفظ الجلالة بمعنى أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون المتشابهات. D'accord? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit donc que cet arrêt, elle est connue chez les salafs. On l'a rapporté de la part de certains d'entre les salafs de s'arrêter à وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Et dans ce cas-là, la signification du verset, c'est que le waw, hein, c'est un waw al-atf, c'est-à-dire un waw qui ajoute quelque chose, qui ajoute quelque chose, c'est-à-dire que on ajoute à qu'est-ce qui a été mentionné précédemment. Donc tu vas dire que tu rajoutes à ceux qui en connaissent qui en connaissent l'interprétation, tu ajoutes ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Eux aussi connaissent la signification des mutashabihat. Et pourquoi et comment ils connaissent la signification des mutashabihat? C'est parce que yani, c'est l'interprétation. Ils ramènent qu'est-ce qui est équivoque à qu'est-ce qui est explicite et clair et au muhkamat. Et donc ils arrivent à connaître la signification. C'est-à-dire qu'ils ramènent les versets et les paroles qui sont dans le Coran, dans la Sunna, ils ramènent à leurs preuves et aux autres versets, aux autres hadiths qui les clarifient. C'est pour ça qu'ils sont capables de comprendre ces mutashabihat et de connaître leur signification. D'accord? Ensuite, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il mentionne qui parmi les salafs ont mentionné cet arrêt-là dans la lecture de ce verset. Il dit « Kama nuqila dhalika » كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار. Ça c'est très très intéressant, très important. Donc il dit parmi les ulama des salaf, parmi les ulama de tafsir, il y en a plusieurs qui ont rapporté cet arrêt, c'est-à-dire le fait de s'arrêter à وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Parmi eux, voici quelques exemples. Il mentionne Ibn Abbas et Mujahid. Abdullah Ibn Abbas, c'est le compagnon qui est tourjuman al-Qur'an, qui est le sahabi, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension yani, du Coran, de l'interprétation du Coran et la compréhension de la religion. Il a dit Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation. Il dit wa ma'na également, donc il y a Ibn Abbas, après il y a Mujahid. Et Mujahid, c'est Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makhzoumi. Et il a rapporté de Ibn Abbas et il a pris de lui le tafsir. C'est de Abdullah ibn Abbas qu'il rapporte son tafsir. Et il y a Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr. Ibn Zubayr. Donc c'est Muhammad, le fils de Ja'far, le fils de الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم donc Ibn Hibban il a dit faisait partie des fuqaha de Médine et des savants de Médine. L'imam al-Nasa'i l'a mentionné comme étant un siqa. Également Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, c'est Ibn Ishaq ibn Yasar al-Matlabi. Naam. Donc c'était un grand savant également. Et Ibn Qutayba, un des imams parmi les imams des salafs. Il a plusieurs écrits, plusieurs livres. C'est un savant aussi dans la langue arabe. Et d'autres également. Donc, ils nous ont rapporté, eux aussi, cet arrêt-là à Ar-Rasikhoun Afil-Ilm. Et il dit le Cheikh, « Wakil al-qawlayn haqqun bi'atibar » Il dit, chacune de ces deux arrêts sont corrects et sont vrais selon leur point de vue, selon un point de vue, ou selon yani le contexte, ou la signification. C'est-à-dire le fait de s'arrêter à Allah, dans le verset, « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » C'est correct, selon un point de vue. « وَالرَّاسِخُونَ » De s'arrêter à « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » C'est-à-dire, tu dis « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » De s'arrêter ici, c'est aussi correct d'un autre point de vue. D'accord ? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « أي الوقف على قوله في العلم والوقف على لفظ الجلالة كل قول له اعتبار » C'est-à-dire, comme j'ai dit, il répète, le Cheikh il dit qu'est-ce que j'ai dit. C'est-à-dire, moi j'ai dit qu'est-ce que le Cheikh a dit, si on veut être plus, plus correct. C'est-à-dire que je l'ai devancé ici, mais parce que je savais, je l'avais déjà lu avant, donc je l'ai dit avant de le traduire. Mais c'est que l'arrêt dans les deux, c'est correct. Soit tu t'arrêtes à Fil-Ilm, ou soit tu t'arrêtes à Allah. Les deux sont corrects d'un point de vue différent. Chacun a son point de vue. كَمَا بَسَطْنَاهُ فِي مَوَادِعَ أُخْرَى C'est-à-dire, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, comme on l'a détaillé, on a expliqué cette chose-là, on a élaboré là-dessus à d'autres endroits. C'est-à-dire dans d'autres livres. Comme par exemple dans At-Tadmuriyya et dans Majmu' al-Fatawa, dans d'autres écrits. Il dit وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْنُ عَبَّاسِ هَذَا وَهَذَا وَكِلَهُمَا حَقٌ Donc il dit, et c'est pour ça qu'on a rapporté de Abdullah ibn Abbas cet arrêt-là et l'autre également. Donc les deux arrêts ont été rapportés de la part de Abdullah ibn Abbas et les deux arrêts sont corrects. Leurs significations sont correctes selon leur contexte, et selon le point de vue dont on le prend, dans lequel on le prend. Donc, c'est ça. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Nuqila an ibn Abbas al-Qawlan, al-waqfu ala lafz al-jalala, wa al-waqf ala al-rasikhina fil-ilm. » Donc, les deux arrêts sont rapportés de la part de Abdullah ibn Abbas. L'arrêt à lafz al-jalala et l'arrêt à الراسخون في العلم أي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم donc là on a expliqué les deux premières définitions. On va expliquer maintenant la troisième. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها ولا يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. Non. Donc, le Cheikh, il explique que la troisième définition du terme ta'wil, c'est que le ta'wil, c'est la réalité vers vers laquelle se concrétise une parole ou une chose et sa réalisation. Sa concrétisation et sa réalisation. وَإِنْ وَافَقَتْ ظَاهِرُهُ Même si elle est en accord dans son apparence, فَتَأْوِيلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالنِّكَاحِ وَقِيَامِ السَّاعَ وَغَيْرِ ذَلِكَ هُوَ الْحَقَائِقَ الْمَوْجُودَ أَنْفُسَهَا C'est-à-dire que le ta'wil du paradis, de la nourriture qu'on va manger dans le paradis, des boissons qu'on va boire, des vêtements qu'on va porter, ou des épouses qu'on aura dans le paradis, et de l'établissement du jugement dernier, et toutes ces choses-là qui sont des réalités, qui sont mentionnées dans la révélation, eh bien, on va les connaître, on va voir leur réalisation lorsque ces choses-là vont se produire. Et là, aujourd'hui, on essaie de les imaginer, ces choses-là, et on essaie de penser à comment elles vont être, mais la réalité de ces choses-là, on va la connaître lorsqu'elles vont se produire. Donc, on connaît leur signification dans notre esprit, et on l'exprime par notre langue, mais leur réalité, c'est lorsqu'on va les voir au jour de la résurrection. Donc, c'est ça. Le cheikh, il dit ensuite, « وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ يُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّهُ قَالَ وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه illallah. Et voilà. Donc, on va traduire qu'est-ce qu'on vient juste de lire comme verset. Le cheikh dit, ça, c'est l'emploi du terme ta'wil dans le sens de la réalité d'une chose et de sa réalisation et de sa concrétisation. Ça, c'est le sens dans lequel le Coran emploie ce mot-là, le mot ta'wil. Quand tu lis le Coran, quand tu vois ta'wil dans le Coran, c'est dans ce sens-là, dans le sens de la concrétisation et de la réalisation d'une chose. Comment elle va être dans sa réalité. Et il donne des exemples de versets dans le Coran pour savoir, pour montrer comment le terme ou le mot est employé dans différents versets. Donc il donne l'exemple, par exemple, dans Sourate Yusuf, le verset 100, dans Sourate Yusuf, il explique ici, il donne un exemple de sa signification. Naam. Donc, naam. Le verset 100, ça dit quoi? Et il éleva. Et il éleva ses parents sur le trône. Et ils sont tous tombés, ils tombèrent tous devant lui, prosternés. Et il dit, oh mon père, voilà l'interprétation. Et ici, la traduction, ça devrait être plutôt, voici la réalisation, ou la concrétisation de mon rêve. De mon rêve de jadis. C'est-à-dire, il fait allusion, on peut retourner au verset 4. Au verset 4 dans Sourate Yusuf, parce que c'est dans ce verset-là qu'il mentionne, il dit « Iz qala Yusuf li abihi يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand Joseph, quand Youssef dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Donc dans le verset 5, il dit, hein, il dit, ô mon père, voilà, يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. C'est-à-dire, voilà, ô mon père, voilà la réalisation, la concrétisation de mon rêve de jadis, Allah l'a bel et bien réalisé. Hein? Donc ça, c'est une des utilisations du terme ta'wil dans le sens de la réalité d'une chose, la réalisation d'une chose. Également, dans le verset 53 dans Sourate Al-A'raf, le verset 53 dans Sourate Al-A'raf, on retrouve aussi l'emploi, l'utilisation du terme ta'wil ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَ, et ici ils l'ont traduit correctement, hein? Attendent-ils uniquement la réalisation, c'est-à-dire sa réalisation, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَ, c'est-à-dire attendent-ils autre chose que sa réalisation, c'est-à-dire la réalisation de sa menace et de, sa promesse, et de ses promesses. Ensuite, la signification continue. Le jour où sa réalisation, sa véritable réalisation viendra, c'est-à-dire la concrétisation de la promesse et de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur, ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Donc, ici le terme ta'wil, on voit clairement que c'est la concrétisation, la réalité d'une chose lorsqu'elle va se produire. Un autre exemple de ça, bon, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan de ces deux premiers versets. Il dit يعني ما حصل من سجود الأبوين والإخوة الأحد عشرة هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره لم يعرف تأويلها إلا لما وقعت فكذلك ما في الآخرة لا يعرف إلا إذا شهد يوم القيامة فهذا التأويل أي ما يؤول إليه الشيء من حقيقته المغيبة عنه. C'est-à-dire, le cheikh il explique, il dit, la signification du verset 5 dans Sourate Yusuf, c'est-à-dire que ce qui est arrivé du fait que les deux parents ainsi que les frères, les 11 frères de Yusuf, lorsqu'ils se sont prosternés devant lui, ça c'est la concrétisation et la réalisation de ce qu'il avait vu en rêve lorsqu'il était petit. Et il n'avait pas su son interprétation, et ça, qu'est-ce que ça signifiait, excepté lorsque ça s'est produit. De même que dans l'au-delà, par exemple, on ne sait pas comment la réalité des choses du jour de la résurrection et du paradis et de l'enfer vont être, excepté lorsque on va être témoin de ces choses-là réellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ta'wil d'une chose, c'est-à-dire comment une chose va se concrétiser et se réaliser dans sa réalité qui nous est cachée actuellement. Et en ce qui concerne l'autre verset, qui est le verset 53 dans Sourate Al-A'raf, le cheikh il dit: "هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا تأويله أي تأويل ما جاء في القرآن حين يقع ما أخبر الله عنه يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه كانوا في الدنيا يكذبونهم فإذا شاهدوه يوم القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل لكن فات الأوان. Donc le cheikh il explique, il dit ça signifie est-ce qu'ils attendent, c'est-à-dire les kuffars n'attendent rien que la réalisation de ces choses-là, que ces choses-là se réalisent pour essayer, pour yani, parce que yani, sur la, dans la dunya ils le nient, ils rejettent ça, ils n'y croient pas en le jugement dernier, au paradis et en l'enfer, ils ne croient pas. Donc ils attendent que ça se réalise. Hein? Et yani, il dit, c'est-à-dire que se réalise ce que le Coran a mentionné, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme information au sujet du jour de la résurrection, au sujet du paradis et de l'enfer. Et le jour où ils vont comprendre qu'ils étaient dans l'erreur dans la dunya, hein, eh bien c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure. C'est-à-dire le jour où ils vont réaliser que les messagers avaient dit la vérité et qu'ils vont voir la réalité de ce que les messagers avaient donné comme information au sujet de qu'est-ce qui se passe après la mort et qu'ils vont le voir avec leurs yeux alors que dans cette vie d'ici-bas ils le niaient, lorsqu'ils vont le voir au jugement dernier, eh bien ils vont savoir que les messagers avaient dit la vérité, hein? Et ils vont dire certes les messagers étaient venus de la part de notre Seigneur avec la vérité, c'est-à-dire ce que les messagers nous avaient donné comme information, c'était vrai, mais on a manqué notre coup, yani. C'est-à-dire lorsqu'on avait l'opportunité de croire et de suivre les messagers, on ne l'a pas fait, et donc ils vont réaliser à ce moment-là qu'il est trop tard, hein. Ils vont souhaiter vouloir revenir sur terre pour refaire des bonnes œuvres comme on leur avait demandé de faire auparavant, mais ils avaient délaissé cette chose-là, hein. Donc ils vont avoir des remords et des regrets ce jour-là. Donc ça c'est c'est des exemples d'emploi du terme ta'wil. Et également dans le verset 59 dans sourate An-Nisa qu'on a lu tout à l'heure, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les croyants, il dit ce qui signifie oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et d'une meilleure aboutissement, hein, une meilleure interprétation, mais on sait que ici c'est pas dans le sens de l'interprétation, mais plutôt d'une meilleure conclusion ou d'une meilleure concrétisation ou réalisation ou aboutissement, comme ils l'ont dit comme ils l'ont écrit entre parenthèses. Et Cheikh Al-Fawzan dit wa ahsanu ta'wila ay ahsanu aqiba, meilleure conclusion. Hein? Fa radd an-niza' ila kitab Allah wa sunnati rasulih ahsanu aqiba wa muntaha. Fa hadha yadullu ala anna at-ta'wil al-murad bihi aqiba al-aqiba wal ma'al. Donc ici, il dit c'est-à-dire une meilleure conclusion, une meilleure fin, un meilleur aboutissement. C'est-à-dire que lorsqu'on ramène la divergence à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une meilleure conclusion, un meilleur aboutissement. Et ça c'est la preuve, c'est quelque chose qui prouve que le terme ta'wil, qu'est-ce qu'on veut dire par le ta'wil dans ces versets-là, c'est la conclusion et l'aboutissement d'une chose, la réalisation d'une chose, comment elle est à la fin. Sa réalité. Donc, le cheikh il dit, وَهَذَا التَّأْوِيلُ هَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. C'est-à-dire, ce ta'wil, hein, ce terme, yani cette signification du ta'wil, cette définition-là, c'est celle-là que seul Allah connaît. C'est-à-dire la réalité d'une chose. Cheikh Al-Fawzan, il dit, لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ فَحَقَائِقُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَحَقَائِقُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَحَقَائِقُ مَا فِي النَّارِ وَمَا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا مُغِيبٌ عَنَّا. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, parce que ça fait partie du ghaib, c'est des réalités, comme la réalité des noms et des attributs d'Allah, la réalité du paradis et de l'enfer, la réalité de ce qu'il va y avoir au jour de la résurrection, tout ça, ça nous est caché. Hein? Et on arrive maintenant là où on voulait, hein? C'est-à-dire l'explication de tout ce qu'on a expliqué auparavant, pour comprendre tout ça ensemble. Il dit « فتأويل الصفات الذي لا نعرفه هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. » Donc, qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Il dit, donc, le ta'wil, de faire le ta'wil des sifat, le ta'wil des sifat qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire la réalité de ces sifat, la réalité de ces attributs-là, que seul Allah connaît. Et c'est le kayf, c'est-à-dire c'est le comment. C'est seul Allah qui connaît le comment de ses attributs et la réalité de ses attributs. Hein? Et c'est le kayf qui est inconnu, tel que certains d'entre les salafs l'ont expliqué, comme par exemple Malik, l'imam Malik et d'autres, quand ils ont dit al-istiwa ou ma'loum ou al-kayf ou majhoul. C'est-à-dire lorsqu'ils ont dit al-istiwa, par exemple, l'attribut de l'istiwa, elle est connue. Mais le commun de cette istiwa, il est inconnu, il est majhoul. Et là, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, donc, le ta'wil des sifat, il dit ta'wil des sifat, ala hadha, huwa haqiqatuha wa kayfiyatuha, wa hadha la ya'lamuhu illa Allah. Amma ma'naha, wa huwa tafsir, fa nahnu na'rifuhu. Donc, le ta'wil des attributs dans ce sens-là, c'est dans la troisième définition, c'est sa réalité et son commun. Et ça, nul ne le connaît excepté Allah. Toutefois, la signification des attributs, ça c'est son interprétation, son explication, l'explication de son mot, du mot, la définition du mot. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Hein? Donc, yani, ça c'est pour dire que ceux qui disent que les noms d'Allah font partie des mutashabihat, des choses équivoques dont on ne peut pas comprendre ou connaître la signification et que seulement Allah en connaît la signification, eh bien, c'est pas vrai dans le sens que c'est pas vrai que c'est les attributs d'Allah qui font partie de ces mutashabihat-là. Mais c'est le commun de ces attributs qui fait partie des mutashabihat que seul Allah connaît. Parce que c'est le commun et c'est la réalité de ces attributs-là. Et ça, seul Allah en connaît. Donc, quand on s'arrête à وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, quand on s'arrête à cet endroit-là dans le verset, c'est dans ce sens-là. Dans le sens que seulement Allah connaît la réalité de ses noms et de ses attributs. Et seulement Allah en connaît le commun. Personne d'autre. Hein? Même les rasikhoun fil ilm ne connaissent pas la réalité et le commun des noms et des attributs d'Allah. C'est seulement Allah qui le connaît. Mais si on s'arrête à ar-rasikhuna fil ilm, on s'arrête à ilm, et bien là, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dans ce cas-là, c'est la deuxième signification, c'est-à-dire l'interprétation, le tafsir, la signification des noms et des attributs. Et ça, Allah, il les connaît, et les savants, les gens qui sont fermement ancrés. Et dans ce sens-là, les noms et les attributs d'Allah ne font pas partie des mutashabihat que seul Allah connaît, dont seul Allah connaît la signification dans ce sens de la signification des noms et des attributs, puisque Yani, les salafs connaissent la signification des noms et des attributs d'Allah, et toute personne qui connaît la langue arabe et qui est arabe connaît la signification de ces noms et de ces attributs-là. Donc, dans ce sens-là, ça c'est, hein, c'est la signification de, yani, de cet arrêt-là quand on arrête à وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ et on parle de al-ma'na et non pas du kayf, non pas de, du commun ou de la réalité. Donc, si tu t'arrêtes au premier, c'est-à-dire tu t'arrêtes à Allah dans le verset, ça veut dire qu'on parle du commun et de la réalité des noms et des attributs d'Allah, mais si on s'arrête à وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ça signifie la signification des noms et des attributs et leur sens dans la langue arabe. Ok? Donc, juste pour simplifier ça, Cheikh Ibn Baz, il explique la dernière définition du terme ta'wil. Il dit والتأويل الثالث الحقائق التي أخبر الله عنها يعني ما يؤول إليه الكلام من الحقائق وتأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء وهكذا الجنة والنار وغير ذلك. Donc la troisième définition, c'est les réalités dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, hein, et les choses qu'il a mentionnées à ce sujet-là, c'est-à-dire la réalité vers les choses vers lesquelles la réalité est la concrétisation de la parole, et la réalité vers laquelle ces choses-là vont aller. Comme par exemple, la réalisation et la concrétisation d'un rêve. Tu vois quelque chose dans un rêve, puis ça se produit dans la réalité, donc ça c'est le ta'wil de ce rêve, c'est-à-dire la réalisation et la concrétisation de ce rêve. Ou bien ta'wil ma akhbar Allah bihi yawm al-qiyamah. C'est-à-dire c'est quoi le ta'wil de ce que Allah a dit à propos de la résurrection et du jour du jugement dernier? Eh bien, ce ta'wil là, c'est dans le sens de la concrétisation, de la réalisation de quand on va voir le jugement dernier et quand le jugement et les comptes vont se passer. Et quand on va voir le paradis et l'enfer, la réalisation, la concrétisation de ces événements-là, c'est le ta'wil, hein, c'est dans ce sens-là. Hein. Et il y a une question qui a été posée dans le sharh de Cheikh Ibn Baz. As-sujud lil-ghayr, fasajada lahu abawahu, mashru'un am ghayr mashru'. Il y a quelqu'un qui a posé la question à propos de la prosternation. Est-ce que c'est permis de le faire, de se prosterner à quelqu'un d'autre qu'Allah dans ce verset-là, ou bien que ce n'est pas permis, c'est légiféré ou non? Parce que dans le verset, c'est écrit que les parents de Youssouf se sont prosternés devant lui ainsi que ses frères. Donc, est-ce que c'est permis? Et le Cheikh Ibn Baz, il a répondu. Il a dit « Kana mashru'an fi zamanihim min bab al-ikram wa al-tahiyya amma fi shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad nusikha hadha. » C'est-à-dire qu'il a répondu le Cheikh en disant que ça, c'était légiféré à leur époque. Hein, et c'était dans le sens de, du respect, du salut, de saluer quelqu'un. Mais dans la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a été abrogé. Et donc c'est complètement interdit, et absolument interdit par la suite. Donc ça c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz au sujet de cette question, et je pense que c'est important de le mentionner, puisque certaines personnes amènent des choubouhades avec ça, en particulier les soufis. Tu les vois, ils se prosternent devant leur chouyour, hein, ils embrassent les pieds de leur chouyour, et après, tu leur dis, ça c'est pas permis, ça c'est du shirk. Tu te prosternes devant un être humain, et ils te disent, ouais, mais, les frères de Youssouf se sont prosternés devant lui, et des exemples comme ça. Puis ils essaient de mentionner comme si ça c'était correct. Alors que ça a été abrogé, hein, et donc après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit, c'est absolument interdit, et que le sujoud n'appartient que à Allah, et qu'on ne peut se prosterner devant personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, hein, ni s'incliner, ni se prosterner, excepté devant Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, à cause de l'immense devoir et du droit qu'il a sur elle. Alors, à cause de l'immense droit qu'il a sur elle. Mais c'est quelque chose qui est interdit. Donc, il ne l'a pas permis. Hein? Naam. Donc, ensuite, le cheikh, il dit donc que les salafs, ils ont expliqué que le commun, il est inconnu. le comment des attributs d'Allah, on le sait pas, on sait pas comment est le, les, comment sont les attributs d'Allah. Et le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan, لهذا السلف يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول هذه قاعدة عظيمة أن معنى الصفات معلوم لنا وأما كيفيتها فهي مجهولة كما قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره. C'est-à-dire que les salafs ont dit la signification est connue, la signification des attributs est connue, mais le commun est inconnu. On ne sait pas, le, on ne comprend pas le commun et on ne sait pas commun. Ce sont les attributs d'Allah. Donc, ça c'est une règle. C'est une règle immense, une grande règle. Et il dit que c'est-à-dire que les, la signification des attributs nous est connue, mais le commun nous est inconnu, comme l'a dit l'imam Malik et d'autres également. Comme par exemple, il dit كَمَا قَالَ مَالِكْ وَرَبِيعَ وَأُمْ سَلَمَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ hein, comme ça a été yani, mentionné par l'imam Malik et Rabi'a et Umm Salama et d'autres. Donc Rabi'a c'était le cheikh de l'imam Malik et ça a été également rapporté de la part de Umm Salama et d'autres également parmi les salafs ont dit cette parole. C'est-à-dire ils ont dit que Al-Istiwa Ma'loum wa Al-Kayf Majhoul. L'Istiwa c'est connu mais le commun est inconnu. Hein? Donc ça c'est très très important de le comprendre comme il faut. On va donner des exemples dans les paroles de Cheikh Ibn Baz ici. C'est très très intéressant ça. Cheikh Ibn Baz il dit dans son charh وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه لا يعلمه وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده سبحانه وتعالى أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم ومعلوم لأهل الإيمان بلغة العرب نعم فالسميع معلوم تأويله وأنه سماع الأصوات والبصر رؤية الأشياء والعلم خبرته بالأشياء والإحاطة بها والقدرة ضد العجز هذه معلومة وهكذا اليد والوجه والقدم هذه صفات معلومة لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. Donc on va commencer par ça. Cheikh Ibn Baz il dit de même que toutes les attributs, tout, pas seulement l'istiwa, comme l'imam Malik a dit, l'istiwa ma'loum wa kayf majhoul. L'istiwa est connu et le commun est inconnu. C'est pas seulement pour l'istiwa, c'est pour toutes les attributs d'Allah. Il dit comme par exemple, le commun hein, fait partie du ta'wil que Allah connaît lui seul. Le commun de ces attributs-là, c'est seulement Allah qui le connaît. En ce qui concerne l'interprétation et la signification de ces attributs-là, eh bien, elle est connue des hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science, et elle est connue parmi également les gens de la foi qui connaissent la langue arabe. Hein? Comme par exemple, As-Sami', on sait que ça veut, on sait ce que ça, on connaît le ta'wil de As-Sami'. Hein? Le ta'wil de As-Sami', l'interprétation, sa signification, c'est d'entendre les voix et les sons. Al-Basar, c'est le ta'wil de Al-Basar, c'est-à-dire l'interprétation et la signification de Al-Basar, c'est de voir les choses. La signification de la science, c'est de connaître et d'envelopper les choses, de les connaître comme il faut. La signification de la puissance, c'est le contraire de l'incapacité ou de l'impuissance. Et c'est connu. Hein? Toutes ces choses-là sont des significations qui sont connues. De même que la main, le visage, le pied, Istiwa, An-Nuzul, hein, la descente, le visage, le pied, ainsi de suite. Tous ces attributs-là sont des attributs qu'on connaît. Et on sait dans la langue arabe leur signification. Mais par contre, le commun de ces attributs-là, on ne le sait pas. On ne sait pas comment est la science d'Allah. On ne sait pas comment est la vue d'Allah. Hein, on ne sait pas comment est l'ouïe d'Allah, et ainsi de suite. On ne sait pas comment est le visage d'Allah, et le pied d'Allah, et la main d'Allah. On ne sait pas ces choses-là. C'est seulement Allah qui sait la réalité et le commun mais la signification, on le connaît. Il dit wa sifatullah wa asma'uhu ma'lumatul ma'ani, lakin la yu'lamu kayfiyatuha, la ya'lamu kayfiyatuha illa huwa jalla wa ala. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة والسلف بعدهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. Hein, donc, il dit on connaît les significations, mais le commun on ne le sait pas. Comme l'ont dit Malik et Rabi'a et Umm Salama et d'autres parmi les salafs après eux, l'istiwa est connu et le commun est inconnu. Et la foi en cela est obligatoire, et la question, c'est-à-dire de poser la question à ce sujet-là, c'est une innovation, une bid'a. De demander le commun, c'est une bid'a. Donc, il dit « وهكذا السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول. » Donc, il dit, on sait, « السمع » qu'est-ce que c'est ? L'ouïe, on sait qu'est-ce que signifie « البصر » la vue. On sait ce que signifie la main, on sait ce que signifie le visage, on sait ce que signifie yani, toutes ces choses-là, on sait qu'est-ce que ça signifie. Et c'est obligatoire d'y croire que Allah a ces attributs-là. Et le commun, par contre, est inconnu. Wa hakaza baqiyatu sifat ad-dahik wal-rida wal-ghadab wal-ghadab ma'ruf didd ar-rida wal-rida ma'ruf annahu didd al-ghadab. ولكن لا يعلم كيفية رضاه سبحانه وتعالى وكيفية غضبه إلا هو جل وعلا لكن معروف ما نتج عن الغضب من العقوبات والنقمات ونتج عن الرضا من الرحمة والإحسان والإكرام إلى غير ذلك. Donc le cheikh il dit de même qu'on connaît les autres attributs comme le rire, l'agrément, la colère. On sait que la colère, c'est le contraire de l'agrément, et que l'agrément, c'est connu, et que c'est le contraire de la colère. Mais le commun de son agrément, le commun de sa colère, personne ne le connaît, excepté Allah. Excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, qu'est-ce qui est connu? C'est les résultats de ce qui découle de sa colère, comme châtiment, et comme épreuve, comme yani châtiment et punition. Et de même que l'agrément, on sait ce qui en découle comme résultat, comme par exemple la miséricorde, la bonté et la générosité, et ainsi de suite. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٍ يعني عن الكيفية لأن السلف ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكيفية لأنه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والصحابة سمعوا وأجابوا آمنوا وصدقوا ولم يسألوا عن الكيفية لأن الكيفية أمرها متصل بالله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit la question au sujet yani du commun, ça c'est une bid'a, c'est une innovation, et les salafs n'ont jamais posé la question aux messagers à propos du commun, parce que personne ne connaît le commun excepté Allah. Et les sahaba ont entendu et ils ont répondu et ils ont cru et ils ont accepté, ils ont dit que c'était la vérité. Et ils n'ont jamais demandé le commun. Parce que le commun, c'est quelque chose qui est rattaché à Allah seul. C'est Allah seul qui le connaît, personne d'autre. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis, il y a une question qui est intéressante ici. On va finir avec ça pour aujourd'hui. Et c'est la question suivante. Quelqu'un a posé la question à Cheikh Ibn Baz. Fil hadith, inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. C'est-à-dire le hadith qui est rapporté selon Muslim. C'est un hadith authentique. Selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Et il a dit que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé Adam à son image. Alors, il demande la signification de ce hadith. Et le cheikh, il répond, il dit, فَأَجَابَ سَمَحَتُهُ وَقَالَ سُورَةٌ تَلِيقُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَهِيَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يعني أن آدم سميع بصير يتكلم وله وجه والله سميع بصير يتكلم وله وجه ولكن ليس الوجه كالوجه وليست الصورة كالصورة وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام وهكذا فصورة المخلوق تليق به وصورة الله تليق به سبحانه وتعالى مثل ما قال في حديث يوم القيامة إذا جاءهم سبحانه على صورته سجدوا له أي نعم donc il dit donc Cheikh Ben Baz a répondu il a dit c'est-à-dire une image qui correspond et qui convient à Allah Jalla wa Ala ما هي من كل وجه c'est-à-dire c'est pas que Allah a créé Adam à son image dans tous les sur tous les plans mais c'est-à-dire que Adam par exemple Adam il était audient et il était voyant et il parlait et il avait un visage et Allah est voyant et audient et voyant et il parle également et il a un visage mais le visage d'Allah n'est pas comme le visage d'Adam n'est pas comme le visage d'Allah et le visage d'Allah n'est pas comme le visage d'Adam et l'image d'Allah n'est pas comme l'image d'Adam et la science d'Allah n'est pas comme la science d'Adam et la parole d'Allah n'est pas comme la parole d'Adam hein? Chacun il a une attribut selon ce qui lui convient le créateur a les attributs de يعني de créateur et la créature a les attributs de créature et l'image de la créature correspond à la créature et l'image d'Allah correspond à Allah subhanahu wa ta'ala comme c'est mentionné dans un autre hadith qu'au jour de la résurrection lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va leur venir selon son, dans son image Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il va venir dans son image ils vont se prosterner devant lui Ils vont se prosterner devant lui, les hommes vont se prosterner devant lui. Na'am. Donc ça c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz à propos de ce hadith-là. Et na'am. Il y a ce hadith-là dans Sahih Muslim, que Allah a créé Adam à son image. Na'am. Et donc souvent les gens posent la question à ce sujet-là, donc cette réponse-là du Cheikh Ibn Baz elle est claire. Ok, donc on est arrivé jusqu'ici, on est arrivé là. Ok, donc on va s'arrêter ici nous, aujourd'hui. Déjà on a dépassé le temps, l'Amstan. Donc c'est pas grave, Alhamdulillah, c'est toujours intéressant quand même, bénéfique, Inch'Allah. Lorsqu'on approche bientôt de la partie où le Cheikh Al-Fawzan il va terminer... son explication. On est presque à la fin du livre. Mais, Inch'Allah, on va continuer quand même avec le charh de Cheikh Ibn Baz et le charh de Cheikh Salih Al-Sheikh. Hein? On va essayer de continuer le charh du reste du livre. Parce que c'est un livre très, très, très intéressant, très important. Mais tout ce qu'on a lu là au début, ça c'est l'introduction et c'est la base du livre. Si tu comprends cette base-là, le reste, il est facile. Et même la question des noms et des attributs, par la suite, elle devient facile à comprendre et elle clarifie les ambiguïtés. Car elle aide à comprendre toutes les choubouhat que vont te lancer par la suite les gens de Bida, comme les Ahbash et les Ash'ara, les Maturidiya, etc. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.